Thank you. Thank you. left me standing in the rain. Left me standing, standing in the rain. Thank you. Le Danse que la salsa. Où es-tu, Thomas? C'est parti. Looking for. J'aime bien tes claviers. Ok. J'aime bien ton son. Ah oui, Klaus. Je remercie la Madone. regarde. Thank you. L'harmonica, là, les percus, tout ça, c'est impeccable, ça. Super. Bravo. Bravo à tous. J'aime bien tes percus, Jo. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est tout de l'improvisation. Les morceaux qu'on aura fait une fois dans la vie. Il y en a qui veulent récupérer. C'est ça qui est bien. L'éphémère.